La Corée s'efforce pour assurer aux frais de l'État les conditions de vie et le climat conformes aux handicapés. Ces dernières années, le contenu de l'enseignement des écoles pour handicapés étant amélioré, l'école des ouvriers qualifiés pour handicapés apprend aux élèves l'assemblage et la réparation des machines à coudre, l'usinage des lunettes, le montage et l'expérimentation des appareils électroniques, etc. L'école pour aveugles de Taedong, l'école pour sourds-muets de Songchon et autres écoles normalisent et spécialisent les activités de cercle artistique. L'État s'est intéressé aussi à augmenter les disciplines de sport spécialisées pour handicapés et à former les joueurs compétents pour obtenir de bonnes performances aux compétitions sportives internationales pour handicapés, comme les 14e Jeux paralympiques. Les échanges et coopérations sont dynamisés avec des institutions internationales et des représentations de divers pays en Corée.